Chapitre 13. Ami éprouva un intense soulagement en sentant le sable mouillé s'infiltrer entre ses orteils. L'interminable claustration à bord du sous-marin l'avait menée à la lisière de la dépression nerveuse. Elle crut l'espace d'une seconde qu'elle allait imiter Sharon et se mettre à courir le long de la plage en poussant des cris de joie. Ziegfeld lui avait dressé un portrait alarmiste de la situation. Mais, curieusement, elle n'en avait conçu aucun désespoir. La perspective de se retrouver prisonnière de l'île pour le restant de ses jours ne l'effrayait pas outre mesure. Cela viendrait peut-être au fil des semaines, des mois, mais pour l'instant, elle s'abandonnait au délice de sentir le vent lui caresser le visage, d'avoir sous les yeux autre chose qu'un paysage de tuyaux et de manomètres. Elle était libre. Son premier réflexe fut de plonger dans les vagues pour se laver de la sueur et des miasmes du U-boat. Quand elle émergea des flots, Coolidge l'attendait, un peignoir d'éponge à la main. Si le personnage lui déplaisait, elle le trouvait néanmoins reposant. Ce n'était pas un excité comme Ziegfeld ou un fanatique comme Weser. Empâté, content de lui, pratiquant un hédonisme de pacotille, il semblait convaincu que le naufrage auquel il avait survécu lui avait fourni l'occasion de passer les meilleures vacances de sa vie. Elle prit le peignoir qu'on lui tendait et suivit l'anglais jusqu'à son bungalow. Les domestiques étaient en train de servir le thé. « J'ai encore assez de thé, de marmelade d'orange, de scotch et de cigares pour tenir 6 mois, » déclara Coolidge en l'invitant à s'asseoir. « Mes réserves s'épuisent. Je n'ai aucune idée de ce que je ferai ensuite. » Les gens de l'île distillent des racines et des baies pour fabriquer une sorte d'eau-de-vie au goût atroce. De même, ils font sécher les feuilles d'une plante qu'ils utilisent pour rouler des cigares. Ces ersatz sont abominables et n'entretiennent qu'un très vague rapport avec leur modèle. J'avoue ne pas être tenté de les imiter. Je ne suis pas très Robinson Crusoe. Je n'ai rien changé à mes habitudes de consommation depuis mon arrivée. Pas d'économie non plus. Le rationnement me fait horreur. Et que se passera-t-il quand vous aurez fumé votre dernier cigare, bu votre ultime tasse de thé, sans qui a mis? Je ne veux pas y penser. Vous savez, ma chère, nos perspectives d'avenir sont assez compromises par l'instabilité du volcan. Il est fort possible que l'île vole en éclats, dans 3 ans, 3 mois, ou dans 3 semaines. Au cours de mes voyages, il m'a été donné d'assister à de semblables phénomènes. Les îlots volcaniques sont instables. Ils peuvent disparaître en l'espace d'une nuit, entraînant à leur suite ceux qui avaient la malchance de les habiter. Certains de mes compagnons de captivité travaillent d'arrache-pied dans l'espoir de prendre le large à bord d'un vaisseau capable de vaincre l'étreinte du courant. Je vous le dis tout net, c'est un leurre. Aucun d'entre nous ne quittera cette île, jamais, et personne ne viendra à notre secours. D'après ce que m'a dit votre ami, Herr Hortz, c'est la guerre partout dans le monde. Le chaos absolu. Pourquoi quitterais-je ce paradis en sursis pour aller mourir sous les bombes, à Londres ou gazer au fond d'une tranchée? Quitte à rendre l'âme, je préfère que ce soit ici, au milieu des palmiers et des champs d'oiseaux. Que me conseillez-vous alors? Demanda Amy. Profitez de la vie et devenez ma maîtresse, répondit Coolidge. C'est une simple question de bon sens. Vous êtes jeune, vous avez des appétits. Quant à moi, à la différence des hommes que vous rencontrerez à l'intérieur des terres, je suis propre, élégant, parfumé, et mes manières sont excellentes. En ma demeure, vous trouverez de beaux vêtements, des parfums, une nourriture délicate. Vous n'aurez qu'à claquer des doigts pour être servi. Ailleurs, il en va tout autrement. On vous fera travailler comme une esclave. Vous côtoierez des brutes et vous devrez vous soumettre à leurs désirs sans qu'on s'inquiète de votre avis. Ça n'a rien d'engageant, fit Amy avec légèreté. Non, grogna Coolidge en fronçant les sourcils. Cette maison constitue l'ultime bastion de la civilisation sur l'île du cul-de-sac. Vous l'apprendrez bientôt à vos dépens. Partout ailleurs règne la féodalité. C'est en partie pour cette raison qu'on me déteste. On a pourtant l'air de vous laisser en paix. Cela, ma chère, c'est parce que je suis bien armée. Je dispose d'une mitrailleuse Vickers qui pourrait faucher en une seconde tous ceux qui me chercheraient noise. Je l'ai fait savoir. De temps à autre, pour rafraîchir les mémoires, je tire depuis cette véranda une rafale qui s'y étreint d'une dizaine d'arbres. Comme je tiens la foudre en laisse et que je n'ai aucune ambition monarchique, on m'ignore. Les Roitelets, vous en croiserez plusieurs sur cette terre. L'île est une mosaïque de minuscules royaumes, pas plus grand qu'un jardin de pasteur. C'est assez amusant, du reste. Il but une dernière gorgée de thé avant de conclure. Vous valez mieux que ça. Conservez vos distances, restez à l'écart de ces communautés qui vivent dans l'idolâtrie d'une idée ou d'un chef. Profitez de la vie, dans le luxe et la tranquillité. Cette pause sera peut-être plus brève que nous ne le pensons. Le volcan, dis-je, le volcan. Il fume, il gronde, il émet des odeurs pestilentielles. Certains jours, vous verrez s'échouer sur la plage des dizaines de poissons morts, empoisonnés par les exhalaisons toxiques qui s'échappent des racines de l'île. L'éruption se prépare, bouillonne sous nos pieds, et quand le moment sera venu, Amy se leva pour prendre congé. Les prophéties apocalyptiques de Coolidge avaient quelque peu altéré sa joie. Instinctivement, elle regarda en direction du cratère dont le cône tronqué dominait la végétation. Elle renifla, cherchant à détecter cette puanteur de soufre qui précède les catastrophes. Elle ne sentit que l'odeur de la forêt, puissante, faite d'humus et de fruits pourrissants. Depuis 3 jours, elle évitait Ziegfeld, dont la mauvaise humeur lui était devenue insupportable. Le vieux voleur ne parlait plus que des joyaux de la couronne et se lamentait sur le coup du sort qui les avait jetés sur ces rivages incertains, les privant du bénéfice qu'ils auraient pu tirer d'une telle affaire. Vézère et ses hommes, eux, avaient construit des huttes grossières. Pour l'heure, il formait encore une armée, avec sa discipline, ses sentinelles. Amy se demandait combien de temps s'écoulerait avant que le cadre militaire ne commence à se dissoudre. Tout dépendrait bien sûr de ce qu'on découvrirait en explorant l'île. Vézère et son équipage étaient armés, ce qui leur assurait un avantage certain. Mais cette terre minuscule recelait bien des pièges, à commencer par la douceur de vivre. Éric Vézère était inquiet. Il lui fallait au plus vite prendre la mesure de l'île, découvrir quelles en étaient les lignes de force ou au contraire les points faibles. Coolidge avait parlé d'une communauté travaillant à l'élaboration d'un moteur surpuissant. Cela l'intéressait au premier chef, à cause des pièces de rechange et du carburant. Les naufragés ont sûrement siphonné les soutes des épaves entassées sur la plage, confia-t-il à Ziegfeld. Les bateaux marchent au gasoil. Tous les moteurs sont donc de type diesel. Cela pourrait nous rendre service. Ces gens-là ne se laisseront pas dépouiller sans rien faire, objecta Hortz. Je sais, mais nous avons des armes et nous sommes des soldats allemands. Cela devrait suffire à faire la différence. Désireux d'effectuer sans tarder une reconnaissance des environs, Vézère forma une colonne d'une douzaine de matelots armés de fusils et de grenades. Ziegfeld, Amy et Sharon décidèrent de les accompagner. Le capitaine ne s'y opposa point, jugeant la présence d'une femme et d'une fillette susceptible d'atténuer l'aspect guerrier de la patrouille. Il ne tenait pas d'emblée à s'attirer la haine des populations locales. Il faisait chaud. À partir de la plage, le terrain s'élevait selon un angle constant de 20 degrés, ce qui rendait la progression fatigante. La couche d'humus était peu épaisse. Les arbres, pour assurer leur stabilité, avaient développé des bases larges et ramifiées, aux racines très apparentes. Les animaux semblaient peu nombreux. Amy repéra des toucans, des haras et quelques singes écureuils. Ils ne tardèrent pas à dénicher un ruisseau qui se jetait dans un étang. L'eau était fraîche. Elle avait un goût de terre. Les hommes voulurent s'y baigner, Vézère le leur interdit. Il n'était pas question de souiller l'unique approvisionnement potable de l'île. Les orchidées piquaient des taches de couleurs surréalistes dans la végétation. Le tableau aurait été idyllique sans la présence du volcan couronné de fumerolles. Les fruits poussaient en abondance, ce qui éloigna le spectre du scorbut et rassura tout le monde. Enfin, Hutz, le chef d'équipage, poussa un cri d'alerte. Au-delà de la ligne des arbres se dressait une tour en bois, constituée de troncs entrecroisés et dont l'aspect barbare évoquait la conquête des Gaules. Elle était de toute évidence inachevée, avec une base pyramidale chargée de lui assurer une assise stable. Des cris, des coups de marteau indiquaient qu'on y travaillait avec ardeur. Quittant la jungle, la colonne armée s'avança en direction du camp de forestiers installé aux abords du chantier. Vézère se tenait sur ses gardes. Les matelots furent accueillir sans démonstration outrancière de crainte ou d'amitié. Si personne ne leur jeta des pierres, aucune jeune fille ne se précipita non plus pour leur offrir des colliers de fleurs. On les regarda approcher avec curiosité, sans interrompre pour autant le travail, comme si celui-ci comptait plus qu'autre chose. Vu de près, la tour était impressionnante, elle avait l'aspect d'un obélisque. Sa construction avait exigé l'assistance d'un grand nombre d'engins de levage que les travailleurs avaient, de toute évidence, bricolés avec les moyens du bord. Deux hommes se détachèrent de la masse des ouvriers pour accueillir les nouveaux arrivants. L'un était petit et maigre, des lunettes rafistolées sur le bout du nez. L'autre avait l'allure d'un bel homme à la peau cuivrée, aux cheveux noirs frisés croulant sur ses épaules. Le premier avait la soixantaine, le second moitié moins. Sereins, ils affectèrent de ne pas remarquer les fusils. Couverts de sciures et de copeaux, ils offraient l'aspect d'ingénieurs dérangés par des barbares au milieu de travaux d'envergure pharaonique. Malgré cela, ils se montrèrent affables. Le sexagénaire à lunettes se nommait Ulf Gunnarsson. C'était un universitaire spécialiste de l'Antiquité romaine. Plus précisément, des arts militaires en usage dans les légions de César, comme il se plut à l'expliquer. Le bel homme aux cheveux frisés s'appelait Chico Palatino. C'était un célèbre chanteur brésilien, la coqueluche de Rio de Janeiro. Il parut déçu en apprenant qu'Amie n'avait jamais entendu parler de lui. Il avait échoué sur l'île 4 ans auparavant, et depuis s'employait à bâtir ce phare pour signaler leur présence. Le Suédois, lui, était là depuis 7 années pleines. Ce chantier regroupe une centaine d'âmes, déclara Gunnarsson en se rengorgeant. Notre travail s'inspire des techniques romaines de combat. Vous savez que les légionnaires de César étaient capables de bâtir un fortin en quelques heures à peine et que... Vézère lui coupa la parole pour obtenir des renseignements précis sur l'organisation de l'île. Y avait-il un pouvoir centralisé, une administration, une police? Rien de tout ça chez nous, s'esclaffa Chico. Nous sommes des gens pacifiques qui pratiquons l'autodiscipline. Nous travaillons dur, abattage des arbres, écorçage, séchage. Cela suffit à user nos pulsions d'agressivité. Nous avons fini par former une communauté de bûcherons. Certains se sont mariés, ont eu des enfants. J'ai grandi à Manaus, au bord de l'Amazone. Je suis ici dans mon élément. Alors, tous ces gens ont fait naufrage ? S'étonna Vézère en désignant le campement avec ses baraques de rondins. Il affichait une expression soupçonneuse, comme si, à ses yeux, l'île dissimulait une base secrète alliée, une station radar ou une piste d'envol camouflée. Ami le jugea ridicule. Oui, confirma Chico Palatino, il y a 10 ans, un cargo s'est échoué sur les récifs. Il transportait dans ses cales près de 300 émigrés en provenance du Venezuela. Certains sont morts noyés, d'autres ont succombé aux fièvres. Les survivants ont choisi de s'installer ici. Si vous voulez vous joindre à nous, lança Gunnarsson, avec l'expression réjouie d'un prédicateur accueillant de nouvelles ouailles, il faudra accepter de participer à l'œuvre commune. L'œuvre commune, grogna Vézère, les sourcils plissés par l'incompréhension. Oui, bredouilla l'universitaire en reculant de 2 pas. La tour, le phare. Nous n'en sommes qu'au 2e tiers. Le dernier ouragan a jeté à bas l'ouvrage de l'année passée. Il nous a fallu repartir à 0. Les hommes solides sont toujours les bienvenus. Vézère se contenta de grogner. Les matelots, peu sensibles aux merveilles architecturales de l'Empire romain, concentraient leur attention sur les corps mouvants des femmes qu'on voyait s'agiter entre les huttes. Un contremaître siffla l'heure de la pause. Les Allemands furent conviés à partager la collation des ouvriers. Une bouteille de manioc très pimentée qu'on faisait passer en avalant de grandes goulées d'une infusion dont la saveur évoquait celle du maté brésilien. À la fin du repas, Gunnarsson s'arrangea pour attirer Amy à l'écart. Elle comprit qu'il voulait lui soutirer des informations au sujet de la guerre. Cette guerre que des naufragés plus récents lui avaient présentée comme inévitable. « Cela m'intéresse au premier chef, comprenez-vous » énonça-t-il avec nervosité, ses petites lunettes fendillées tressautant au bout de son nez. « Ce phare, que je m'acharne à construire d'après les plans des ingénieurs militaires des cohortes, il est censé nous permettre d'être secourus. Mais est-il sage, à l'heure actuelle, de vouloir regagner le monde civilisé ? Pourquoi quitter cette île si c'est pour basculer dans le chaos, la destruction, la mort ? J'ai charge d'âme. Kolitch prétend que le conflit va s'étendre à toute la planète et que les nations s'embraseront les unes après les autres jusqu'à ce que la race humaine soit entièrement éteinte. Je sais que cet homme a des tendances nihilistes, mais ses discours m'inquiètent. À ce qu'on m'a dit, Londres a déjà été rasée, les Français exterminés ou réduits en esclavage. Il s'exprimait comme s'il s'agissait de peuplades asservies par César, de forteresses antiques investies grâce aux machines de guerre romaines. Amy retint un sourire. Elle ne voulait pas froisser ce petit homme aux allures de pasteur. Elle fut sur le point de corriger les outrances de Coolidge, puis se ravisa. Qu'en savait-elle, après tout ? Hitler semblait bien parti pour dévorer la terre entière. Alors ? Je ne sais pas, avoua-t-elle. On peut tout craindre, en effet. L'accablement se peignit sur les traits de Gunnarsson. Désorienté, il mit fin à l'entretien de manière abrupte. Amy s'assit sur une souche. D'où elle se tenait, elle embrassait la moitié nord de l'île jusqu'au rivage. Le courant froid traçait une ligne pâle au milieu des flots. Il encerclait l'île de son auréole infranchissable, puis redescendait vers le sud, vers le pôle. « C'est beau, n'est-ce pas ?» fit une voix derrière elle. Elle tourna la tête. C'était Chico Palatino, ses cheveux noirs cascadant en boucles serrées sur ses épaules. Il avait passé une chemise propre. « Il est superbe, songea-t-elle. Dans le genre brut suave, une belle peau, un corps de statue grecque, des mains musclées, il doit danser la samba comme un dieu. » Elle s'étonna d'éprouver soudain une violente attirance sexuelle pour ce parfait inconnu. Je suis folle, se dit-elle, ce n'est pas le moment. Elle réalisa qu'elle avait honte de se découvrir vulnérable. Chico correspondait en tout point au stéréotype du mâle exotique popularisé par le cinéma. C'était une caricature vivante du beau sauvage, embaumant la sueur et la sève. Jamais elle n'aurait pensé qu'un tel belâtre pût l'émouvoir. En plus, il a dû s'en apercevoir, se dit-elle. Ça ne lui a fait ni chaud ni froid. Il en a l'habitude. Toutes les petites naufragées doivent essayer de se glisser dans sa case à la nuit tombée. Il a probablement engendré la moitié des gosses du campement. Vous avez effrayé Ulf, dit Chico, sur un ton de reproche. C'est un homme fragile, un universitaire qui puise ses convictions dans les livres. Il croit aux choses écrites avec ferveur. Surtout si ces choses ont été écrites il y a très, très longtemps. Il ne sait rien de la vraie vie. Vous n'êtes pas comme ça, je le sais. Moi non plus. Il s'approcha de la jeune femme qui fut soudain submergée par son odeur de transpiration et de bois coupé. Ce n'était pas désagréable. Elle s'appliqua à masquer son trouble. Vous savez, dit-il en s'asseyant lui aussi sur une souche, je ne suis pas aussi naïf que j'en ai l'air. Je mentirais en prétendant que je suis dupe de ce projet de phare. Mon enthousiasme est fin à 60%. L'important, c'est d'occuper les gens, de leur donner un but, un espoir. Avant que Gunnarsson ne nous entraîne là-dedans, tout allait de travers. il a sorti ce truc de ses vieux bouquins. Il nous a parlé du colosse de Rhodes, du phare de je ne sais plus où. Mine de rien, ça a structuré la communauté. C'est devenu une espèce de religion. Vous comprenez? Il ne faut pas lui enlever ça. Sinon, les gens déserteront le campement pour aller s'enrôler chez les mécanos. Les mécanos? Oui, c'est comme ça qu'on surnomme les dingues qui essaient de construire un moteur capable de vaincre le courant. Ils bricolent des trucs invraisemblables et distillent eux-mêmes une essence à base d'alcool de manioc fermenté et d'huile de copra. De temps à autre, ça explose et l'on voit un nuage de fumée monter dans le ciel. Une fois, ils ont failli foutre le feu à la jungle. Ce sont des excités, regroupés en société féodale. Les femmes sont parquées dans une sorte de bordel volontaire. Pour les utiliser, on paie avec des tickets spéciaux. Des tickets qui correspondent au nombre d'heures passées à travailler sur le moteur ou au risque qu'on a pris ou encore à l'importance des pièces détachées qu'on a su ramener au camp. Tout ça est très hiérarchisé. Il y a les ingénieurs qui tracent les plans, essaient d'imaginer des solutions aux problèmes mécaniques. Ensuite, on trouve les ouvriers qui martèlent, soudent, vissent, liment. Ce sont les plus nombreux. Enfin, il y a les essayeurs qui, comme leur nom l'indique, essaient les prototypes. Il arrive très souvent qu'ils explosent en même temps que le moteur et qu'on récupère des lambeaux de leur anatomie au sommet des cocotiers. Ces femmes, demanda Amy, celles qu'on a enfermées au bordel, ils les ont capturées? Non, détrompez-vous. Elles font ça de leur plein gré, pour acheter leur place à bord du bateau qui quittera l'île. Le mythique bateau équipé du fameux moteur révolutionnaire. Le jour du départ, elles paieront leur billet avec les tickets récoltés auprès de leurs clients. C'est une espèce d'économie en circuit fermé. Un grand argentier fabrique et gère les tickets. Il n'y a pas véritablement de contraintes. Les gens ne sont pas prisonniers, ils peuvent s'en aller s'ils en ont envie. Le problème, c'est qu'ils ne le font jamais. Le type qui dirige ça s'appelle Dino Malestraza. Il était officier mécanique sur un cargo vénézuélien. Il est très doué pour la mécanique, c'est vrai, mais il n'a pas une once de moralité. Je ne vous conseille pas d'aller là-bas, ça ne vous plairait pas. Ami hocha la tête, mal à l'aise. Il n'y a pas de bordel chez les bûcherons, s'enquit-elle d'une voix qui sortait mal. « Non, répondit Chico, Ulf ne le tolérerait pas. Il a des principes, vous savez. J'ai cru comprendre que dans son pays, il dirigeait une sorte d'église. Il était pasteur ou quelque chose d'approchant. Toutefois, il a bien fallu accepter certains aménagements. « Nous y voilà, songea Ami. Le problème, voyez-vous, reprit Chico, c'est la pénurie en femmes. On en compte une pour 10 hommes, c'est trop peu. » Cette disproportion engendrerait des querelles, des viols, des crimes. Alors Gunnarsson a imaginé une solution qui, ma foi, donne de bons résultats. Le mariage temporaire par tirage au sort. Quoi ? Hoqueta Ami. Ne jouez pas les sottes, s'impatienta le Brésilien. Vous avez parfaitement compris. Tous les ans, Ulf rassemble les noms des femmes dans un premier chapeau, ceux des hommes dans un second. Ensuite, il tire un papier dans chaque couvre-chef, de façon à former des couples. Ces associations régies par le hasard ne sont pas négociables et on ne peut refuser d'y participer. Les couples sont ensuite mariés pour une durée d'un an, pas davantage. Le terme atteint, le mariage est dissous. Chacun recouvre sa liberté et on procède à un nouveau tirage au sort. Les femmes enceintes ne sont pas obligées d'y participer. Mais il est rare qu'elle se défile. Ici, il ne fait pas bon être seul pour élever un gosse. Je n'en reviens pas, avoua Ami. Et ça fonctionne? Je veux dire, les filles acceptent de se plier à cette mascarade? Bien sûr. Quand la vie est dure, mieux vaut être deux. Au début, il y a eu quelques difficultés, des histoires d'amour contrariées, ce genre de choses, puis les gens sont devenus raisonnables. Ils ont compris où était leur avantage. Et où se trouve-t-il? Dans l'espoir. Grâce à la loterie, quand un homme gagne, neuf perdent, mais les perdants ont la consolation de se dire que la prochaine fois, ce sera peut-être leur tour de convoler. Un tel système jugule les jalousies. Ce ne sont pas toujours les mêmes qui obtiennent les plus belles filles. La séduction, le charme n'ont rien à voir dans la formation des couples, puisque celle-ci est entièrement régie par le hasard. Un type laid peut gagner une belle fille, une fille moche peut se voir attribuer un beau mec. Tout le monde y trouve son compte. Ami peu convaincu se garda de tout commentaire. Chico perçut sa désapprobation et s'en irrita. Il fallait trouver des solutions, grogna-t-il. Nous ne pouvions pas nous offrir le luxe de faire dans la dentelle. La communauté des bûcherons a le mérite de rester à peu près propre. Mais si elle ne vous convient pas, vous avez toujours la possibilité d'aller ailleurs ou de fonder votre propre système. Ce n'est pas interdit et il y a de la place pour tout le monde. Certaines familles ont choisi de vivre isolées. Le problème, c'est qu'en cas de coup dur, personne ne vient les aider. Hors d'une communauté, on ne peut compter que sur soi-même, c'est la règle de l'île. « C'est curieux, murmura Ami. Je vous voyais plutôt chez les mécaniciens. Vous êtes une vedette. Vous auriez tout intérêt à rentrer le plus vite possible dans votre pays. Le clan des mécaniciens me paraît plus actif, non ?» Chico sourit. « Vous vous trompez, lâcha-t-il. Je ne tiens pas à rentrer au Brésil. La célébrité me faisait mener une existence de dingue. Je buvais, je courais les filles, je perdais des fortunes au casino, j'achetais puis je cassais une nouvelle voiture tous les 15 jours, je brûlais la chandelle par les deux bouts. Le naufrage m'a sauvé d'une mort précoce. Si je n'avais pas échoué ici, j'aurais fini alcoolique, drogué, vérolé ou en miettes au fond d'un ravin. En débarquant ici, j'ai compris qu'une nouvelle chance m'était offerte. J'ai décidé de ne pas la laisser passer. Voilà pourquoi je construis ce phare en prenant mon temps. Je ne suis pas pressée de m'en aller. Je pense que Gunnarsson est comme moi. S'il rentrait en Suède, il s'ennuierait à mourir, coincé entre sa femme et ses tristes étudiants. Tous, nous regretterions d'avoir abandonné cette terre. Seulement voilà, personne ne veut l'avouer. C'est une seconde chance. Notre seconde chance. Une seconde chance avec un volcan, corrigea Ami. Chico eut un geste fataliste de la main. C'est le ver dans le fruit, admit-il. Mais que faire quand le fruit est par ailleurs succulent? Faut-il le jeter pour autant? Sur ce dernier échange, ils choisirent de redescendre vers le campement. Alors qu'ils arrivaient à la hauteur des premières huttes, Chico dit : Si vous choisissez de rejoindre notre communauté, il est bon que vous sachiez que la loterie du mariage aura lieu dans 2 semaines. « Quels avantages aurais-je à m'intégrer au clan des bûcherons ? » demanda-t-elle. « Vous avez une petite fille. Il serait bon de l'entourer d'une certaine protection, » répondit le Brésilien d'un ton grave. « Les hommes avec qui vous êtes venus vont s'attirer de gros ennuis. Je puis vous le prédire. Il n'est pas difficile de deviner qu'ils vont entrer en conflit avec le clan des mécanos, dans l'espoir de leur extorquer de quoi réparer le U-boat. Ce ne sera pas aussi facile qu'ils l'imaginent. Les mécaniciens ne possèdent pas de fusils, mais ils sont puissamment motivés. Il se pourrait même qu'ils essaient de s'emparer du sous-marin dans le même but. Ils prélevaient des pièces susceptibles d'améliorer leur fameuse machine. Si une guerre éclate entre ces 2 clans, vous serez davantage en sécurité chez nous. Pensez-y. Sur ce, il s'éloigna pour superviser le travail d'un groupe d'hommes occupés à transporter des poutres au moyen d'un engin de levage primitif. Ami se sentait en plein désarroi. Il y avait du vrai dans ce que disait Palatino. Elle croyait, elle aussi, que l'entêtement d'Éric Weser engendrerait une catastrophe à court terme. Et elle préférait ne pas être là quand la chose se produirait. Sans la menace que le volcan faisait peser sur l'île, elle aurait sans doute choisi d'y finir son existence. Pourquoi s'en étonner? Après tout, personne ne l'attendait nulle part, ni en Angleterre, ni en Australie, ni ailleurs. En outre, à l'instar de Coolidge, Elle n'était pas loin de penser que la guerre embrasserait bientôt la terre entière, transformant les puissances modernes en champs de ruines. Ses paramètres définis, elle discernait mal quel avantage elle aurait retiré d'un retour à la civilisation. Elle en était là de ses réflexions quand Gunnarsson lui toucha l'épaule. « Je suis ennuyé, avoua-t-il en nettoyant ses lunettes avec l'acharnement mécanique d'un insecte polissant ses élytres. J'ai réfléchi à ce que vous avez dit tout à l'heure. Si la guerre s'étend sur les 5 continents, j'aurais tort de m'obstiner à ériger un phare. Il serait peut-être plus sage de demeurer ici, sur l'île. Mais dans ce cas, il conviendrait d'examiner avec méthode le problème du volcan. Va-t-il sommeiller encore longtemps? Va-t-il se réveiller d'ici peu? Vous comprenez mon dilemme? Je n'y puis répondre tout seul. Avant de prendre une décision, j'aurai besoin de l'avis d'un ancien confrère qui a fait naufrage en même temps que moi et qui s'est installé au pied du cratère. Il connaît bien la question. Voudriez-vous aller de ma part lui demander ce qu'il en pense? Pourquoi moi? S'étonna la jeune femme. Parce que je suis brouillée avec lui. Une querelle d'universitaire qui s'est envenimée avec le temps. Oh, une sottise! Mais nous n'avons ni l'un ni l'autre accepté de faire le premier pas. Cela me rendrait bien service si vous disiez oui. Il est facile de se rendre là-bas. Il vous suffira de suivre ce chemin qui vous mènera au pied du cratère. Je vous conseille d'emmener votre petite fille. Amy chercha à accrocher le regard du petit bonhomme qui ne cessait de se dérober. « Professeur Gunnarsson, fit-elle, dites-moi pourquoi j'ai l'impression que vous tentez de m'éloigner de mes compagnons de voyage. » Le Suédois rougit. « Mon enfant, finit-il par murmurer, j'ai discuté avec le capitaine Weser. Je crois qu'il se prépare à commettre une terrible erreur. Pour l'amour de l'humanité, je préférerais que vous ne soyez pas à ses côtés quand la chose se produira. »